Je t'ai offert mon amour, tu l'as coupé. Tranquille, y a mon cœur ironie. Je voyais l'avenir en nous, tu l'as doublé. En plus de ça, on brillonnait. Pourquoi t'as pris mon numéro? Si c'est pour me lâcher aussitôt, moi je voulais t'en pas tes dinero. Personne saura que t'es un mytho. Ouais, je t'aime, tu le savais. Tu ne t'es, je saigne, tout s'arrête. C'était une fausse alerte. Mais personne ne pouvait m'arrêter. Dans mon cœur c'est un attentat. Même si je fais genre que ça m'atteint pas. Je suis démolie de l'intérieur. Mes heures de sourire à l'extérieur. Dans mon cœur c'est un attentat. Même si je fais genre que ça m'atteint pas. Je suis démolie de l'intérieur. Mes heures de sourire à l'extérieur. Dans mon cœur c'est un attentat. Attends, attends, attentat. Dans mon cœur c'est un attentat. Attends, attends, attends tard. Je pense à toi la nuit, ma vie s'effondre. Je regrette toutes nos heures au téléphone. Quand je te vois dans la ville, mon cœur s'efforce. Et je me dis j'ai déjà trop fait d'efforts. Je voulais celle que tu vois dès qu'il déjeune. Celle qui sera là quand tu seras minable. Celle qui en bas te donnera de l'aide. Et qui en haut t'éloignera du mal. Je t'aime, tu le savais. Tu me tais, je saigne, tout s'arrête. C'était une fausse alerte. Mais personne ne pouvait m'arrêter. Dans mon cœur c'est un attentat. Même si je fais genre que ça m'atteint pas. Je suis démolie de l'intérieur. Mes heures de sourire à l'extérieur. Dans mon cœur c'est un attentat. Même si je fais genre que ça m'atteint pas. Je suis démolie de l'intérieur. Mes heures de sourire à l'extérieur. Dans mon cœur c'est un attentat. Attends, attends, attentat. Dans mon cœur c'est un attentat. Attends, attends, attends tard. J't'oublie, c'est mort. Même si j't'aime encore. J't'oublie, c'est mort. Même si j't'aime encore. M'envoie pas des SMS. J't'enverrai pas des SOS. M'envoie pas des SMS. J't'enverrai pas des SOS. Dans mon cœur c'est un attentat. Même si je fais genre que ça m'atteint pas. Attends, attends.